Témoignage de M. Perrin Paul, né en 1914 à Warnant, résident Warnant, ajusteur et ensuite contremaître chez Cockerill. Ce témoignage a été recueilli en 1979. Il simplifie-toi des tomes, Fernand. Vous allez prendre, par exemple, les guerres des 40-45. D'après les statistiques, elle a coûté 1 million à chaque habitant de l'Europe. Et à ce qu'on a vite commis, quelle bonne guerre. Donc, ce sont là, je ne sais pas, il n'a tout le même sacré qu'on peut comparer, non? Si ça a coûté 1 million à chaque habitant, et on vit comme Yastur. Non, ma bonne guerre, on trouve... Non, j'ai cru qu'une régression sociale, ça n'existerait, hein, on évoluerait tout de notre homme. Mais ce sont des produits qu'on a mis. Mais j'y trouve, en fait. Tout ce qu'il vit, il y a le mi-équilibré. C'est-à-dire, il en a des malheureux en Belgique, puisqu'on s'occupe de toutes les couches de la population, non? C'est le genre de vie, mais qu'il me fait ça, non, on ne fait jamais ça. Mais si on veut y looker sur les gazettes, qui peut vivre des jeunes galères qui happent, ah, sa couche et tout ça. Et pourquoi? Parce qu'il est de nos temps. Il n'y a rien qu'on dit. On n'allait pas à Balanoï, on sera vivre de sa porte par là à Balanoï. Oui. Et Astur, c'est tous les jours qu'on est bon. Oui, d'accord. Ah, non, vas-y, fais descendre. Eh bien, voilà, voilà où est-ce qu'on mène les journées, ça, non? Oui, mais... Et puis, on n'est plus une chenancy. Hein? C'est des petits gangsters amateurs, voilà. Ça. Hein? On a tourné comme à Chicago, mais... hein? Ah, ben, mais j'ai pas tant d'idées. Je ne reviendrai jamais au cours qu'on revenait de l'Amérique si son bataille. J'étais en commandant, ce que j'avais vu là, parce que c'est inimaginable, l'Amérique, non? Vous appelez les gangs, par exemple, non? Ben, vous tenez au commerce, par exemple, à New York. À ce moment-là, il y a une sénateur, on a coin de 20 ans. Vous tenez au commerce. Eh bien, les gangs, les représentants des gangs, dans Yensinek, mais je ne vais pas dire exactement, ils vont tous les mois dire à un commerçant, voilà, vous me devez autant pour qu'on l'aille tranquille. Et pour téléphoner à la police, c'est normal. D'ailleurs, je pourrais raconter une petite anecdote. Donc, le commandant d'un CMB, qui a vu une voiture et louer un appartement, parce que les CMB, quelques marchandises des Congo, il y en a à New York, donc il y en a vu le Belgium Line, qui a vu le bureau à New York. Et on a vu un commandant qui avait une voiture en face de cet appartement. Et en lieu, il y a un homme qui va bouillir à ce point et il dit, monsieur, la voiture qui se trouve ici avec une plaque immatriculée à tel numéro, c'est à vous? Il dit oui. Eh bien, si vous voulez ne pas avoir d'ennui, vous me devez autant chaque mois. Mais le Kenoïvenaire, lui, venait Charles de Belgique. Il tient ce qu'a elle, mais oui, mais on peut après. Une grande crête escarrosserie, you know? Ça, non, il fait mener le police. Ah, le police, constable, puis c'est fini. On peut après le pare-brise cassé. Discours, chose. Mais l'homme revient con, non? Et il demande à la police. Il dit, c'est normal. Et il a été obligé de payer à gagne pour qu'on laisse ses voitures là, tranquilles en face de cet appartement. C'est la coin de 20 ans, ça, non? Il y a ce truc. Et quand il est revenu, ben, j'expliquais ça à un commandant. Et il me dit, ne vous tracassez pas. On suit les Américains de quelques années, mais ça viendra comme ça en Belgique. D'ici. Et on pour les gangsters et tout ça, ça va un peu. Non, on l'a fait un peu Brex. La coin de Javarem, hein. Crémé, c'est quoi tenu, hein, il se rétroviseur, c'est celui de classe et... Oui, mais là, c'est quand même une petite différence, Fernand, parce que là, on venait prévenir, là. On venait dire, si vous ne m'avez pas venu, ben... Charles, là, c'est tout ce que je dis à Benahin. On a vu une fiasse à Benahin, je ne sais quoi, mais... Toi, c'est comme des vélomoteurs, non, c'est pour venir vous le vélomoteur, hein. On a vu tout le... ah, oui, les fils, là, à bougie, là, à oui, bougie, c'est... hein. Oui, c'est malheureux, c'est du vent là, vous savez, c'est... Ah, je tiens au second, mais... Mais je trouve, j'ai remarqué, enfin, mais quand une ça qui est bien, une tue à ce qui est mort. Et c'est égoïste, ce nom, non? C'est normal, tout le monde sait bien. J'avais eu ça encore, je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai juste à vous, j'ai raconté à Fernand. À Bouerdon bataille, les Portugais, quand ils venaient, on fournissait mon bataille au Portugal, par exemple, non? Eh bien, ils venaient un mois ou deux devant Charles pour prendre les batailles ou qu'ils finissions, et tout ça, les officiers, et tout ça. Et les commandants, en général, c'est celui de tête, Salazar, attention, non? C'est celui d'ailleurs placé par Salazar, qui est une des parties. Et les officiers, ils racontent, ils disent, sous la vigne vieille chez leur Belgique. Et ils trouvent que c'est une vie, c'est une paradis à comparer à d'autres. Et le commandant s'en est énervé. Il a dit, ben, et on joue, il dit, c'est avec votre Belgique, de moi j'ai vu une femme de à Anvers, qui pousse une charrette avec des bananes, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, il y a que des communistes. J'ai dit, là, il m'attaquait à ce moment-là, hein. J'ai dit, parce qu'il fallait prendre attention comme je suis là. J'ai dit, écoutez, commandant, je vais vous dire une chose. En Belgique, il n'y a plus de communistes. Parce qu'un communiste, n'est-ce pas, commandant, c'est un qui n'a rien à se mettre sur l'estomac. Et en Belgique, il y en a. Mais chez vous, où vous opprimez une classe, il y a énormément de communistes. Là, il m'a vu venir l'ordre de me taire, juste serré, là. Il a juste obligé de... Mais c'est vrai, you know? Parce que vous pouvez aller de Venep, vous allez, il y a eu l'Afrique, par exemple. Ben, les Nures, il est un communiste, surtout. Mais il ne sait pas ce que c'est des communistes. C'est parce qu'il est blanc, les opprimés, et qu'il est blanc, c'est une contre les communistes, qu'automatiquement, ils sont communistes. Il y a des intellectuels nuls, il y a de la population, enfin. Il y a tout remarqué ça. C'est, si on combat les communistes, il fallait évoluer le peuple et automatiquement les combattre. D'ailleurs, c'est ce que ça passait. Charles, c'est ce que ça passait. Non? Mais les mains des pays comme l'Iran et tout ça, là, qui m'excusent, liste. Ben, qu'est-ce que ça t'est passé? Mais il y a cela, après Mossadegh, là. C'est des gens qui travaillent pour. Ils travaillent pour des compagnies pétrolières qui gagnent des milliards et ils n'avaient rien à se mettre, même en petit short, ils se mettent en sept comme ça. Ben, c'est honteux, ça, allez, franchement. C'est d'ailleurs l'histoire des canals des Suez, c'est la même affaire. Non, vous arrivez au bataille pour traverser le canal des Suez, vous avez des Égyptiens qui venaient à boire en quatre pommes pour vous parce que c'est un erreur du canal des Suez, il y a juste place pour passer deux batailles. Et bien, c'est bien la rata d'une qu'on a vache manier pour manier les déchets de Kouhim. Une compagnie qui gagne des milliards tous les jours. C'est honteux, non, ça, les gars. C'est là où vous voyez que l'homme n'est humain. Non, ça, comment va dire. C'est égoïste, en fait. Oui, il y a une à m'exprimer. Il veut que capitaliste, il veut que le gars. Hein, bon, bon. Une ouvrier, c'est ce, un esclave, là, c'est rien. Là. C'est pour ça qu'il trouve le politique. Mais l'ouvrier doit se grouper, en fait. Pour mais. Bien naturellement, c'est un chalot magnifique, un pays magnifique. Une grande évolution, tout ce que vous voulez. Et il crut que l'ouvrier commette des erreurs. Il va fabriquer ce mieux, il va en être des snobistes. Il n'a pas même des snobistes à l'heure de Yepes. Il trouve que les vacances sont nécessaires, par exemple. Parce qu'il trouve qu'un homme travaille comme on travaille à l'heure de pendant 10 chances moins, et bien il est malade. Et le seul remède, c'est de prendre des vacances. Mais il faut prendre des vacances, il mourir ce mieux. Et je pense que bien souvent, les ouvriers voulaient sortir de leur milieu. Là, c'est une grave erreur. Vicky, tout simplement, il crut qu'on est heureux. Vicky, légèrement au-dessus de ses moyens. Yo. Mais si vous voulez, Vicky, au-dessus de vos moyens, même tout le bien-être qui est dans Charles et tout ça, vous serez comme malheureux. En fait. Je pense. Nous sommes plus heureux de Valentin Castur, non? Bon, mais, voilà. Ben, nous sommes heureux parce que nous vivons tout simplement. Ben, il y a trop prospéré de Valentin. Ah, ben voilà. Oui, tout simplement. J'allais faire ce que l'on Ben, nous y a une appui, d'onté. On a les autres 3-4 ans dans les papiers. J'ai tout travaillé mon felon en sein. Appui. Oui, oui, parce que tout le monde au jour qui va y avoir un chaleur. Appui. Oui, Fernand. Oui, mais vous êtes jeune, Fernand, ça me fait vous effrayer. Mais je me rappelle bien, j'ai tout travaillé des chaleurs. Il me fallait aller à vélo à Stade. Et quand il a vu de l'Ouarglès et tout ça, on mettait ses vélos sur ses palais, on faisait 10 km. Ben oui, vol et 10 km. Oui, mais c'est sûr, Fernand, quand vous avez. À 50 ans, vous ne serez pas fait ça, non? Non, mais quand même. C'est sûr, non, une évolution. Non, là, sur ce point-là, ils vont mis qu'on a évolué. Bon, ouais, mais. Malheureusement, elle revient trop fort. Ah, donc, ben c'est ce qui va dire, hier, on vous vécu en-dessous, c'est moi, hein. C'est ce qu'on peut écouter comme les Américains. Ben, regardez-nous, des prisonniers. Des traites, des traites, des traites. J'ai construit un travail à la coopérative. Maintenant, on a l'une côté de table pour Marcel qu'on a cet été hier. Nous avons la voie à vélo et son. Et elle est rivalée. Quand on arrive au pied de chair, on a vraiment écrit que. Faut être remonté sous la tête. Elle est rivalée. Ben, oui, d'abord que vous avez les moyens de savoir. Parce qu'il y a l'impression que le son est fort, que ça circule. Hein. Bon. Non, je pense, mais il y a une évolution que ça fait, c'est parce qu'il y a un bon, il m'a accosté. Il n'a jamais rien de parfait, Fernand, surtout quand on montre comme nous, comme il y a rien de parfait, mais il y a des montres qu'on va, il y a des vrais. Non, on est fracassé, n'est pas ça. Je comprends. On est déjà un peu malin que nous pour s'occuper de ça. Oui, tu as encore un boulot, mais. Non, on vécrait tout demi, vous verrez. Oh, il ne sait rien, mais. On arriverait au lieu qu'on ferait 20 heures par semaine. Oui, je sais. Mais je pense, un peu, c'est tout. Oui. On fait d'abord qu'il y a des ressources sur le terre, Fernand. Pourquoi est-ce que. Certains qu'on ferait 20 heures par semaine, mais oui, c'est donc qu'on vient recopier de gangsters qui vont dans. Ah, mais c'est possible, ça, c'est possible. Est-ce que t'as marché? Mes pauvres mômes, mes papas lui fait une greffe à le mâleur, une grande greffe. Elle est une quatre-fonds. Elle veut qu'on s'éteindre pour couvrir la terre, elle veut dire qu'elle a les quatre-fonds, elle est terrible pour les gains. Vous avez d'avoir un franc. On perdait pas, on ne laissait rien échapper. Les pommes et les poires qui tombaient, on les ramassait. Le papa de ma cousine qui avait un cheval. Les amener avant bourser pour Fifi dans le sirop. Et on ne perdait rien du tout. Et puis on vendait le sirop au voisin, non plus qu'il n'avait de des autres. Parce qu'on a gardé des ouvriers. Bon, on devait aller dans le chômage tout souvent. Bon, on va essayer de faire les 36 heures et tout ça. Mais vous appelez les universitaires. Si on, tous ces gens, les politiciens, tous ces gens, les bourgeoisies, si au lieu d'asiler, dédié de ce monde à d'administrateurs et directeurs, si nous n'avions plus con que gagner 1 million par an, nous aurions un peu de chômeurs demain les universitaires. Vous voyez, tandis que c'est la même affaire. Enfin, malgré que nous ne restons pas y faire, ben, oui, faire non, mais ils voulaient faire des fêtes l'emploi. Mais c'est sûr, mais pourquoi est-ce qu'ils allaient mostrer dans l'exemple? Je vais prendre un autre cas qui n'a connu que moi, ce prêtre. Nous allons prendre l'affaire linguistique. Bon, les flamènes ne pourraient pas être saintes. Bon, je sais. Non, mais là, ils sont bien d'accord à vous. Jamais c'est bien, mais il y a ce travail de son lit devant les flamènes. Soyons logiques, nous verrons bien ce pour mettre Charles Coppel. Les dirigeants, Fernand. D'accord, c'est ça d'accord à vous. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a un homme politique qui a eu l'audace de dire au champ qu'il n'y a plus nous allons qui va à la plage, qu'il n'y a plus nous allons capter aux flamands qui venaient. C'est ta marche aux flamands qui venaient, cher. Et les flamands qui vous avez devant les arts de ça. Non, là, il a cru que ça. Parce que Miguel Alvin n'a qu'à faire avec le gouvernement. Ah, c'est des politiciens. Oh, oui, ils sont d'accord, c'est des politiciens. Alors, quand même, peut-être Saint-Duc, ça dure. C'est les seuls qui ne font jamais remplacer, c'est les politiciens. Ben, ouais, quand ils sont là de quelques années, ils sont bien crabés et riches. Et si on les remplace, non, mais les ceux qui sont mecs, ils sont francs, pareil, ils sont érodés, ils sont un peu récupérés. C'est les seuls qui ne font remplacer la société, c'est les politiciens. Oui, mais du coup, c'est un sacré malheureux, Chalon. Je ne comptais pas, on vous fait l'Europe. Ben, c'est normal. Qui veut le faire, vous, puisqu'il y a ça? Ça fait une passion d'employer de passion d'ailleurs. C'est normal, non, tout ce qui se passe là, non. C'est normal, non, qu'est-ce que vous voulez. C'est des électeurs, c'est malheureux que c'est comme ça, c'est comme un peu comme le bureau ou n'importe. Ben, ils essayent de défaire les Wallons, ils vous rument, vous avez fait le contraire. Mais nous qui nous unis, que vous leur possédez, ils ont perdu les électeurs, c'est ça, man. Mais il a travaillé des années devant les Flamands, mais... c'est une Flamande. Et les trucs, quoi. Mais qui ne le jamais. On se n'est pas devant les Flamands. Ils sont mobilisés à Brascade, et nous étions voir au cinéma, et on mettra en vue. Tu vois cet homme-là, parce qu'il a déjà des frères belles français, c'est mon gars, il y a beaucoup de danse. C'est le grand papa qui a dit ce flamand, mais il n'y a que le flamand qui ne parle jamais. Hein? J'ai déjà des français, et des propagandes pour le flamand. Mais il n'y en a jamais. J'ai pas fait une autre remarque. Et Cook, c'est pareil. Hein? Nous avons dressé une châle, et pas une liche. Pibou. Oui. D'abord, après nous qui s'est bien gravé. Et dans nous, l'inscription est française. On a remarqué ça. Toutes les inscriptions en flamand, ça c'est bouteille de bière. Pitbou? Pitbou, sur les jupilaires, on a fait nous qui. Oui, mais c'est plutôt de au casier Castegari qui s'arrive chez la fille d'aller vers le flamand. Mais sont révoltés. C'est vrai. Tu te sens un peu wallon et grand que nous, non? Parce que parmi en flamand, c'est ton bel chevalier. C'est juste là qui va prêter à pêche. Faut être d'en faire un, c'est sans révolter. Parce qu'on a fait arrêter le bordel du Chupilaire, ramenons nous l'inscription en français, c'est vrai. C'est vrai? Voilà une affaire vraiment wallon, hein, Leach, à du pays. Hein? Parce qu'il y a des affaires qui m'ont frappé, voilà, j'allais recevoir la l'abbé Aragon, par exemple, non? Pour aller réceptionner certaines affaires. Eh bien, à dîner, on m'invite à dîner, j'ai tout bien là en restaurant, on dit des petits français. Dans des gens qui moussinent. Bon, d'accord, on doit se faire les Français. Quittin, bon, il y a les Flamands, les serveurs ont répondu les Français, c'est des affaires qui m'ont français. Et les Flamands, ils n'ont jamais vu une réaction de la part des Flamands. Il y a des extrémistes, mais c'est quand on dit de quoi une situation, enfin, non, et puis c'est tout, hein, ça, il y a même des députés. C'est des premières hein, non. Bon, il y a une seule, non. Parce qu'il y a demandé l'amnistie, allez. Oui. Donc, c'est des pro-nazis, hein. Là, c'est ça. Parce qu'attention, on a côté costé des nazis. Oui, d'accord. De mettre les pailles, non. Mais j'ai cru que là, oui, c'est ton problème, ça. En tant qu'ancien prisonnier, c'est mal à discuter, ça. Mais j'ai cru que les fantômes même prêtent attention. Les secours réellement, les vies, ça, pas pardon. Mais les descendants, Fernand, il va dire comme tu as fatigué que c'est victime de ce pleu parrain, en fait. Justement, mais pas que vous t'en amnistiez cela, ainsi. Ah non, là, il y a parce que vous deux, Dus vous savez bien, je ne suis pas manifesté dans le calme. Mais on peut être né l'amnistie, j'aime tout de suite, mais je monte à Bruxelles. Hein? Je suis trop belle, Fanny Aristide. J'ai dit, il y a des gens qui, quand il y a des étrangers, s'il y a des Wallons, ils y sont qui se diminuent automatiquement. Oui. Et là, je trouve que c'est normal. Mais voilà, quand ils font le mariage, frère, ça va être fini. Ça compte moins Wallon, si tu veux. Beaucoup. Parce que je vous mets un intellectuel d'accord, je ne sais pas ce qui peut être intellectuel, mais même les ceux qui n'ont pas fait d'école peuvent avoir des mérites comme une autre, non? Vous avez des gens qui arrivent à certaines affaires, même qui n'ont pas fait d'école, et que vous avez des intellectuels qui n'arrivaient à rien du tout, il faut dire les vrais. Mais il faut citer, c'est le goût de l'air aggravé. Là, vous avez le maître d'école pire, votre chère. Dans les copains, parlons, vous avez des rêves. Qu'avez-vous dit à Tchoudi? Ouais, Tchoudi, Monsieur, est-ce que je peux garder ma géographie? Oh, tout en arrêt de dans la rue de Sté. Pirotte. Parce que, mais je trouve, Charles Berlick, voilà par exemple, j'ai mis le système américain, par exemple. Non, vous avez sorti une info de Charles, vous allez à mon Carter Pilar, il y a des camarades qui sont stéroïdes à mon Carter Pilar, mais là, vous arrivez là, vos diplômes, ingénieur, tout ce que vous voulez, félicitez, mais ça, ils sont foutés carrément. C'est votre rendement et votre travail à tel point qu'il y a un camarade qui n'a pas accès à l'école technique comme moi et qui est chef de service et qui monte des ingénieurs. Parce qu'il s'est montré plus capable, il pratique. C'est bien tous les Américains. À l'armée. Ah ben oui. À l'armée seulement, mais non? Oui, mais ça devient les armées modernes, c'est les sportifs et tout ça. Charles, c'est les bourgeois, ça. L'armée seulement, une fois en Charles, en général, l'armée, Charles, c'est vous êtes raté de la bourgeoisie, bon, tu qu'à l'armée, vous êtes sûr de devenir major ou colonel ou tout ce que vous voulez. Je m'excuse de parler, il y a ce problème, mais il prend la responsabilité de mes paroles. Vous avez besoin de couper, ça, pour... Non. Ben, attention, il y a une des nègres, il y a raison, non? Parce qu'il y a une gynéstique en primaire. Donc, en général, les raisonnements en primaire, on ne se prend pour rien. Il y a une valeur à ça. Moi, on a des coups que les raisonnements des primaires ont plus de valeur que les autres. Ah, mais il y a ce truc pour mieux. Oui. Oh. C'est des précautions diplomatiques, là. Ouais. Bon, attendez, on va quand on procède. Vous êtes natif de Warnon, vous. Déjà, où vous racontez, vous, comme un mec d'une Marie Charles. Les vies, Madame Marchand. Oui. Qu'on a les femmes. Salut. À voiture, et qu'on lui trifnait bonjour. Les cochers donnaient un coup de fouet à la personne qui était passée, qui lui trifnait bonjour à Madame Marchand. Le corps d'autre grand. Hey, c'est fini, hein, toutes ces affaires. Même papa, il a vu des grands exemples. Oui. Même papa a vu scrire, là, c'était hauteur. Pour dire, elle s'est oubliée de se couper, parce qu'il est venu de même des œufs, il venait de même des œufs au secours. En coup, il a vu passer à l'Ival. C'est où, monsieur Perrin? Il voulait cravacher. Hein. Ben, c'est lui, ça. C'est un peu. Oh, mais il y a une certaine partie. Si l'ouvrier ne se réunit bien, groupé, se desfait, ben, on y reverra le coup. Ben, vous n'avez qu'à des paniques, ça, comme ça. Maintenant, ça, quoi qu'il y trouve que ben, c'est que l'évolution d'un peuple, on peut le freiner, mais on sait l'arrêter. Ça, c'est bien. Tant ou tard. Oh, bon, ça. Et nous restons dépassés de l'évolution. Nous n'en sommes pas sûrs, l'évolution. Faut dire les vrais. Nous restons dépassés. Mais non, nous autres, nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas nous adapter. Voilà. Nous venons de critiquer parce que le jour où vous sortez tous les jours, parce qu'ils ne voulaient plus travailler, parce qu'ils dépensaient trop, parce que nous autres, nous restons dépassés, nous restons décroulants. Ben, ils ne voulaient plus travailler, ils ne sont pas d'accord à vous, parce que y avait bien les jeunes, mais vous avez dit. Qui était contraire, mais il y a eu une brigade extraordinaire, mais tout jeune. Et à tel point, non, ce que j'ai dit, mais qui est vu. L'évolution qui se fait dans l'école et tout ça. Là où ce qu'il y a eu, par exemple, dans vous avez des jeunes caravines qui sont des A2, eh bien, nos autres, des personnels de maîtrise, arrivés à un certain âge, des 55 ans, c'est une dépassée. Hein. C'est une dure de sûr, l'évolution qui se fait. Les c'est jeunes, une brigade extraordinaire. Mais pourquoi l'affaire de l'école, Astur? Parce qu'une fois, on est. Le système qu'ils ont, Astur. Mais je ne sais pas si tu es d'accord, mais tu es contre cette affaire-là. Parce que vous avez des élèves, vous avez des crapauds, des gamins, non, qui sont instruits. Mais ce n'est pas parce que vous êtes instruits que vous êtes heureux en premier cours. Non, et bien, ces gars-là, c'est malheureux, on les laisse en côté malgré leurs instructions. Oui, c'est ça. Mais il faut aller trouver le racafouni pour rien. Qui met Ça m'énerve pas, hein? Les ministres, l'ex. Ben, ah, mais ça, est-ce-tu? Le professeur, oui, oui, oui. Mais la question de professeur, c'est l'élève qui n'avait pas compris. Un après pour faire comprendre un élève et de mourir. Ça, ça fait aucun sens. Parce que Fernand, vous attaquez le journal. Enfin, après, quel pourcentage natif de ces... Mais on va dire là, de Valle Jaune. Et non, il y a une personne qui est si grand que ça. Et si vous approfondissez Hulbert, ça provient bien souvent de l'éducation qu'ils ont reçue devant leur famille. Bon. Ben oui. Ben, vous voyez, Charles, des sorties, on est fou de Vernon, le moron Charles. Bon, ben, il y a des ennuis, il y a des jeunes gaillards, Charles Vernon. Mais le papa, et les enfants n'ont vu d'être de leur vie, le papa, les trucs, quoi de quoi, le prieront. Alors, quoi? C'est là. T'es pas camarade avec tous ces gens-là, sans doute. Quand tu reviens voir, on faut pas si tu as les jouets que tu es là. Il me retourne avec les trous, hein, on se pas parlé. Aïe, aïe, aïe. On a l'incarcé, là, c'est sûr. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense qu'une femme est allée jeunesse, oui, elle a 50 ans, seulement j'ai cru pour la plus grande majorité de la jeunesse. Mais je trouve... Mais on fait ce qu'on a, ce qui nous est mal mécanique, mais... De son auto vieux, mais je trouve qu'on se donne trop de liberté. Merci. Mais j'aime bien... Ce que j'ai vu, et j'ai remarqué, et qu'on en a sévère aussi, c'est envers les drogues. Dans une multitude des gens qui se droguent. C'est comme problème. Et on en est sévère aussi. Mais je pense que devant les vies, Fernand, on réagit si on a une réaction vis-à-vis des gens, mais avant d'avoir une réaction, il faut essayer de les comprendre. Mais je pense, en fait. Parce que je veux les gens, mais j'ai tout de bien aimé les gens. Ben oui, mais aussi j'aime bien les gens. Sinon, j'aime bien les gens. C'est même la colle à l'école et une bourre à fille pour me les rabaisser tous les élèves. Ah non. Ah oui, vous avez tout dit. Ah non, là, c'est tout. Mais ça me fait mal quand je l'ai vu qu'il tournait comme il tournait. Mais ils n'ont plus l'éducation pour monter sur l'autobus. Ben, c'est ce que je les font pour faire, plus. Ça m'a fait une rigueur. Aïe, aïe, aïe. Mais ils ont un problème, je pense. Alors, devant les fabriques, pour les jeunes, il y a des vies qui ne mourraient. C'est tout le problème, c'est un peu pareil la politique et tout ce que vous voulez, hein. Vous avez des vies qui s'accrochent là, et qui veillent des jeunes qui sont plus capables qu'elles, et bien, ils veulent même vivre aussi des places. Et à l'Ouen, c'est pareil. C'est normal, c'est humain. Vous êtes arrivé par exemple avec le personnel de maîtrise, vous avez 55. Vous voyez des jeunes là, qui sont plus capables que vous. Mais j'ai trouvé pour principe mais qu'un bon chef, c'est un homme qui s'est entouré de gens plus capables que lui. Il y a eu un insigne, mais il y a eu un. Mais vous avez déçu qu'elles ont rien écarté des soignes de lui, place. Oui, mais alors vous avez fait le contraire aussi. Et non, c'est pour ça que j'ai pris une pension. Alors, voilà, j'ai nommé des agents, il est nommé deux, trois mois, une bonne montée sur le chasse. Ah oui, ça. Ah non, oui, il y a de belles conditions, hein, monsieur, 62 ans, salut, hein, ma pension, hein. Il va l'arriver, Fernand. J'ai nommé des deux, trois mois, il m'aurait voulu monter sur le chasse. Ah oui, ça. Et il m'a dit, non, ça. Bien, oui, ça. Ah, le nom. Oui, ça, non. C'est normal, c'est un anormal, ça me dit, Brunet, est-ce comme ça, mais j'ai cru qu'en fond, c'est un peu... C'est l'évolution. Est-ce qu'on t'est arrivé tout de rue en peinture? Ah non? Ouais. Et puis on n'obéit plus à ses parents comme il fallait qu'on obéisse. Enfin, c'est une vision de nostalgie. Bien entendu, le jour que certains, c'est que les standings de vie s'améliorent, Fernand. Non. Ne restons pas aujourd'hui, ne restons neuf. Oui, d'ailleurs. Moi, j'ai pas vécu. Et je ne m'occupe pas d'un. Moi, je le football. Et mon amour ainsi. Il est du maréchal, tandis qu'Astur, il est que jamais. Non, mais votre château du château, toutes les 6. Et là, vous savez ce que t'as dans la réunion ici, là. La réunion de femmes parlementaires, dans la même. Standing de vie. Non, il peut pas. Critique. Parce que, il faut dire, ouais, l'Astur, pour lui, mes femmes. Ben oui. J'ai fait l'agent d'assurance. Bon, j'ai ramené faire des nouveaux, 9h30, midi, je ramène. Ah, puis, j'allais faire des réunions après. Hein? Elle est studée toute seule. Café toute seule. Elle a fait café toute seule parce que quoi que c'est du café, tu travailles toute seule. Même le dimanche matin, mais tu travailles devant les assurances. Mais aussi, mais quand c'est que j'en allais à la guerre, quand j'en allais à la guerre, mes femmes n'avaient rien du tout, elle était une forme de gens. Et quand elle l'a vu à Astur, malheureux, et vous amenez les clients lui mourant à Astur, elle vaut même plus les clients. On est yo. Bon, comme dit que nous arrivons les agents d'assurance, ça dépend qu'elle mourant de ce qu'il y a, de ce qu'il y a. C'est toi, Lise. Est-ce qu'ils sont verts? Si on bien dans ma vie. On y a mis bien dans les vieux maisons de café, ça. Mais j'ai sturé aiguille. Donc, on me l'a connu un peu long qu'hier. Qu'il y a revu des vies clientes. Mon Dieu, c'était plus vous, Rameux. Vous, vous étiez régulier, en effet. Les vins, pfft, fermentent à Clifonté. Voilà. Il y avait Medjou, Mitou. On te dit, Dieu, c'est tu Mouha. On te dit, Dieu, c'est tu Koutouin. On te dit, Dieu, c'est tu Bazora. Et le vin d'attaquer Clifonté, c'est tu. Là, c'est tu, parce qu'il y avait peu de clients. Il me fallait très quoi de lui pas faire monter. Bien sûr. Il m'aurait des très quoi de me dépasser mon lui client. Il a des affaires, Fernand. Voilà, bon, il a des institutions. On va y aller de vacances, par exemple. Bon, vous avez des institutions, des mutuelles et tout ça, c'est magnifique. Mais, dis-toi encore que... C'est Marie-Louis, c'est oui, oui. Eh bien, là, advint, il y a quand même des ceux qui créent au climat. Tout le monde, c'est simple, mutuelle, tout ça, c'est pour les gens rouvrir. Eh bien, vous avez des ceux qui... Oh, ben, moi, je prends l'apéritif. Oh, bon, ça. Eh bien, ça, ça crée un mariage. Et... Au lieu d'être simple, tout ça. Non, on veut... Du snobisme, on veut dire. Ben, comme on ne va vous les pensionner. C'est le même. C'est le même, hein. Moi, je suis gaulé, pfff, faire l'offrande au concours, mais... il y a eu... C'est l'un des pensionnés qui par exemple, bouteille de vin, hein, dit. Bon, Dieu. Là, c'est du gâti. Fermez un instant, quoi, t'es ce moron, il a ce tout bras, mais plus gâti que mes mamies, j'ai ce truc, les vies. À la dure. Bon, attends, j'ai 45 ans, on a réussi pour travailler un peu, maintenant. À la dure, tu m'as déjà pire d'un papa qui était avec ça, ça. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai l'école technique, d'ailleurs, c'est ça. Juste Juste une grande école. Non, est-ce qu'on est fou, t'es, hein? Ah oui. Eh, parce que... Ah oui. Il y a des cochons d'air, hein, de nos stars. C'est n'est-ce une œuvre qu'elle est travaillée, et mes côtes, j'ai ramené Felmoron, il me fallait travailler des scans, elle aussi, des scans, nous verrons midi, hurra le neutre, hein. Et Jordan, copie les fruits, et trimette les fours, et... Eh, merci, eh. Allez, allez, revenez, les chefs de vérité. Ah oui. Ah oui. Et comme papa n'est vrai, on s'affiche. Mais c'est pas vrai. Allez! Même si le port de Sénat est fini, on va masser ce mois et on est allé. On va faire des plaintes du pays en deuxième coup parce que. Mais il a tout le même un sac que les liens sont ridicules. Voilà, il veut des liens par exemple, ils sont là. Ils vivent excessivement bien, ils sont heureux. C'est dans ça qui vient de mourir tout près ou qui fait battre des ailes. Quand c'est un digne de vie supérieur à l'heure, il est devenu malheureux. Ah, ben, oui, hein. Il y a des gavieuses, hein, c'est ridicule, ben, franchement. Mais c'est ce qui est vilain, parce que t'en vivais à cette heure, non? Ben, je me rappelle, ben, il y a les vescoles. Quand il y a cette école à Serrande, il y a eu le messie qui a mené des. Non, c'est pour pas une pension, on l'a dit, là. Et, ben, si c'était même une ouvrie de coquerie, on devait. Eh ben, on sait des crampires. On a enfin fait péter des crampires, là, le bus, là. Mm-hmm. Et on était beau 406, voilà ce qui a vu pas sauper. Ben, non, c'est pour rien, là. On a vu la moyenne, il n'y a pas une pension. Il y a une manif manque au Canada pété. Il y a un petit bouquet de tiara. Ah, oui, hein. Merci, et en matin, on se lève, il va aller copier cette tante le même. Et puis aller à l'école. Vous comprenez pas, vous êtes trop jeune, vous ne comprenez pas la vie que nous avons eue, hein. Ah, non, c'est bon, vous êtes mieux que maintenant. Pénin, qui ont peu de satisfaction, qui nous ont dit une pince, non. Une pince, non. Parce qu'ils trouvent que. Ils ne s'y raffient plus de rien. Ils ne s'y raffient plus de rien, non. Nous autres, on nous raffine de sa fiesse, de sa porte, de sa. En Saint-Hubert, pour aller dans Siavili, en Noï et tout ça. Enfin, mais. Ils ne s'y raffient plus de rien, c'est enfin, dans des. Voilà le bruxelles, il y a une mort en face de moi. Nous, tu m'as vite, là, nous, il y a des temps, il voulait. Bon, enfin, ben, il va. Il voulait faire une femme, là, il y a un tout ça. Et vous savez que mec, voilà qui est chef. Il me dit, qu'est-ce que vous prenez? Vous avez des choses. Whisky, cognac, ben, je vais prendre un cognac. Voilà qui me donne des cognacs. Mais ils font le bouteille, allez, franchement. Il y a des, mais oui, mais quand vous viendrez chez moi, vous n'aurez pas de cognac, mais ils font la bouteille. Aïe, je trouve, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il s'achève? Il est snobiste depuis 7 ans, je parle. Ben, c'est-à-dire, de 20 ans, on traite les capitalistes. Et si on va aller courir l'affaire à fond, tous les ouvriers sont capitalistes à cette heure. Puisque tout le monde a cet auto. Oui, tant mieux, hein, attention. Oui, c'est n'est tant mieux. Les autres sont devenus super capitalistes. Moi, je suis devenu capitaliste. Les différences entre l'ouvrier et l'ouvrier, on mourir pareil. Qu'est-ce qu'il m'a fait une robe pour l'hostie et une robe pour les vières. Nous, tu n'as vu que ça. C'est destiné à deux très robes. On va le voir. Deux pensionnés. Ben, vu qu'on a, ben. Ben, c'est sous-dire. Tu n'as manqué. Mais il vient de dire une sacrée, Bernard. Voilà, il y a deux télévisions. Une hôte. Il y a tout ce qu'il me faut. Il me manque. Oui, mais vous avez peut-être ça quoi qui va vous tracasser. Une hôte, jamais un peu les journaux parler. Ah, les humains, ils ne peuvent pas l'espoir. Mais vous serez tranquille. Il y a une hôte, peut-être ça. Non, non. Parce que je considère vos politiciens, tout ce que vous voulez, là. Vous avez le Sénat, pour moi, c'est un grand cirque. Mais les morts, Fernand, les morts qui circulent à Bruxelles, là, devant le Sénat, c'est tous artistes, non? Mais ils sont payés tout comme des grands vedettes. Et dans les trucs, ils ne sont pas capables de rouler les hémicycles. Et dans les équilibres. Des figurants. Ben, c'est certain. Mais ils sont payés comme des super vedettes, mais ce n'est que des figurants. Ben, ils considèrent ça comme ça. Il y en a des secondes, ils le sont mieux. C'est quand on a une comparaison, non, primaire, non, enfin. Je crois que je pense que une éducation, je veux dire, chrétienne aux enfants, je crois que c'est nécessaire. Mais il y a tout de même une chose, c'est qu'ils ne doivent pas se laisser égarer par ce que l'on prend avec la Bible, tout ça. Parce qu'il faut qu'ils se défendent. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, je crois qu'à un certain moment de l'histoire, l'Église catholique maintenait l'ouvrier là dans l'esclavage, vous voyez. Je dirais, j'ai lu ça, j'ai entendu ça en Allemagne, je serais un peu comme eux. À ce qui paraît que les SS et l'Allemagne, ben oui, c'est branché. Eh bien, ils prêtaient une serment, mais devant Dieu, et puis pour finir, on se faisait dire, mais l'Église catholique est notre plus grand ennemi. Je ne vais pas aller jusqu'à là, mais je serais tenté de dire aux ouvriers, d'accord, il faut une éducation, mais attention, notre belle l'Église catholique. C'est pas après, attention, ils diraient que c'est les amis, mais ils seront pas sur ce tendance. Parce que, quand c'est qu'on lit le Bible, il dit vous, ben, mais le bon Dieu, tout ce que vous voulez, mais quand vous allez tout de même devant le pays là, l'Afrique, par exemple, vous voyez tout le monde qui mourt des fois, ou qui sont en misère, parce qu'il ne pleut, hein, et qu'on dit qu'il y a un homme tout puissant là, ben, qu'il fasse pleurer ou quoi, là? Bien sûr. Quoi, là? Mais... Il dirait rien ce que j'y pense, mais non, de Dieu, allez, c'est vrai. Mais Dieu ne s'aurait pu croire à toutes ces affaires-là. Juste à Ulfried, un papa qui a tout tué aussi. Al roche à Flemal. Un morceau de rocher qui s'est distéché. J'allais faire school, et mon laissure. Parce que maman a voulu mettre mon laissure. Et à la récréation, il a le termine à mon oncle qui passe. Rentrez les enfants, c'est l'enterrement d'un. Qui m'a tout dit? Il arrive dans l'église. Non, il arrive dans l'église. Oh, c'est l'enterrement d'un chien. Ah oui, c'est ça. Oui. Ah ben. Mais vous allez à l'église, franchement. Mais j'y pense qu'on doit dire c'est pas à terre, mais comprendre ce qu'on dit pour frapper votre voir quotidien. Ben, allez aux aveux, là, à l'église. On est qu'on perdait rien de tout ce qu'on dit. Ça n'a rien à dire de pas à terre, là. Parce que j'y pense qu'il n'est pas à terre. Il me semble que c'est ça. Les buts, quoi, dire de pas à terre, c'est frapper votre devoir de chrétien de Dieu. D'ailleurs, le Dieu, il a discuté avec le curé. Ben, les curés, ben oui, c'est qu'il y a eu raison, parce qu'il me dit, ben, de rester à l'église, on communise, c'est un bon chrétien, à condition qu'il soit communiste, qu'il applique les doctrines. Ben, ça, il existe une aile, comme il y a des communistes. Il y en a nous sur le terre, on chrétien, il n'y en a que jamais rencontré, il y en a un peu. Un papa, ça fait tous les deux ans après ce frère, non? Un papa souhaitait être civil aussi. C'est vous, mademoiselle Jasmine? Et il a tout. Il travaille pour le VDE, mon papa. C'est ardoisé pour le VDE. Et le VDE, il a fait dire une messe, et on a deux messes, les premiers d'avril, mon papa, qui a vu ce terrible civil le 27 de mars. Et à honte, on tire, c'est ton père on a vu, il n'a vu personne à messe. Les gens ne le crient. Et Maureen, mes mamans n'en ont voulu mener à messe, mais elle m'a dit, soit vous Maureen, parce qu'il s'agissait des pensions, comme c'est un accident de travail. Et Maureen les remercia, les dirigeantes. Nous avons fait mieux que vous, madame, nous avons pensé à son âme. Eh ben, c'est une ingentille du tout pour le sourd de mourir. Oui. Hein? Ben, mais. Je ne comprends rien du tout, mais ce que je passe le monde. Ben, vous appelez Russie, ben, bon, soit disant au pays socialiste, ben, sinon au pays qui freine l'évolution des peuples, c'est bien. Ben, des arrières. Comme vous voyez, c'est bien là, par exemple, ceux qui ne comprennent. Hein. Ils ont voulu lancer, voilà, Coquerel, par exemple, on a voulu acheter une machine. Des machines en Russie. Parce que soit disant, elle est une meilleure marché, à pouvoir de Leipzig. C'est rien du tout. On a ses poussins de charbon, il a fallu se réveiller. Vous perdez les armées, c'est tout ce que notre plus moderne monde. Oui, parce que vous avez par exemple les chars, les T-34 russes qu'on a saillis à la guerre des Finlande, à la guerre des 40-45, ils sont plus modernes, on trouvait n'importe quoi sur le blindé. Pour les armées, ils ont tout ce que notre plus moderne. et pour civil, enfin, ils sont là au point de progrès. Hein.